إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. On continue إن شاء الله ce résumé de cette harisala kun salafiyan ala al-jadda qui a le Cheikh Abdessalam Ibn Salim Suhaimi. Il ne s'agit pas de Cheikh Suhaimi de Médine, malgré que, alhamdulillah, il a dans le Muqaddima l'approbation de Cheikh Suhaimi pour avoir écrit cette risala, et aussi de Cheikh Saleh Al-Fawzan Hafidhahullah Ta'ala ou Hafidhahum Allah Ta'ala. Donc cette risala qui explique qu'est-ce que le manhaj salafi, ma hiya as-salafiyya, ma ma'na as-salafiyya, donc qui permet d'éclaircir ce point qui est très important et que beaucoup de gens ont essayé d'interpréter ou ont détourné la définition de ce terme ou bien de l'explication du manhaj, manhaj as-salaf salih. On a déjà vu la moitié de la muqaddima, il reste l'autre partie de la muqaddima. Et on s'était arrêté lorsque Allah tabaraka wa ta'ala dit, puisque l'auteur a ramené le verset où Allah azza wa jalla qala Allah tabaraka wa ta'ala inna alladhina farraqu dinahum wa kanu shiya'a lasta minhum fi shay. Quant à ceux qui ont divisé leur religion, ils se sont divisés, yani ils se sont mis en groupe, chacun en ayant une interprétation différente, et ils ont fait des parties et des groupes. Allah Azza wa Jal a mentionné à son prophète sallallahu alayhi wa sallam, lesta minhum fi shay. Tu n'as rien à voir avec eux. Hein? Tu n'as rien à voir avec eux. Comme on avait déjà vu l'explication que le Cheikh avait donnée, que al-sunnati wal-jama'a, pourquoi est-ce qu'on appelle al-jama'a? C'est parce que justement, ce groupe-là, il est ala al-haq. Hein? Il ne s'appelle pas al-jama'a parce qu'ils sont nombreux. Parce qu'ils sont nombreux. Non, il ne s'agit pas de cela. Ils s'appellent al-jama'a parce qu'ils sont ala al-haq. C'est pour ça que, comme il a dit Charles Ibn Taymiyyah, rahimallahu ta'ala, si on dit les groupes qui sont sur l'al-bid'ah, yabtadi'una fi dinillahi jalla wa'ala, on ne peut pas les appeler jama'a. On ne peut pas les appeler jama'a. Ce n'est pas al-sunnati wal-jama'a. Ils ne font pas partie d'al-sunnati wal-jama'a. Parce qu'à partir du moment où ils sont dans le bid'ah, c'est... ils ne font plus partie de l'jama'a, parce que Abdullah ibn Mas'ud avait bien mentionné radiallahu ta'ala anhu que l'jama'a, à partir du moment où, même si c'est toi tout seul et tu suis l'haq, tu suis le kitab et le sunna bifahmi salaf, même si tu es tout seul, c'est toi l'jama'a, anta l'jama'a. Donc il ne s'agit pas d'un groupe, il ne s'agit pas d'être le plus nombreux. La vérité, elle n'a jamais été prouvée par le nombre. طيب ويقول الله تبارك وتعالى ومن يشقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. Celui يشقق. Inch'Allah. Dissension. من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. المؤمنين يعني سبيل المؤمنين, وفي هذه الآية المؤمنون هم الصحابة رضي الله تعالى عنهم. Celui qui suit un autre chemin que les croyants. Les croyants ici, hein, dans l'interprétation du tafsir Qur'an, on trouve que les croyants ce sont as-sahaba radiallahu ta'ala anhum. Donc il est obligatoire à chaque musulman, quel qu'il soit, qu'il se trouve, hein, à la fahmi shari'illahi tabaraka wa ta'ala, à la fahmi al-kitabi wa sunnah bi fahmi al-salaf, bi fahmi as-sahaba radiallahu ta'ala anhum. ومخالفته ضلال. Et le fait de diverger de ça, de comprendre cette religion avec une autre compréhension que sahaba, que salaf ou salah, hein, et de ceux qui les ont suivis, dans ce cas-là, c'est un égarement. Dans ce cas-là, c'est un égarement. Et c'est pour ça qu'Allah tabaraka wa ta'ala a fait les éloges des premiers parmi as-sahaba radiallahu anhum lorsqu'il a dit « والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار » والذين تبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. Les premiers, ceux qui vous ont devancé parmi les premiers, parmi al-muhajirin wal-ansar, donc il s'agit de sahaba, ceux qui ont quitté la Mecque pour Médine, ainsi que ceux qui étaient déjà à Médine, et ceux qui les ont suivis bi-ihsan, qui les ont suivis dans le bien, ceux-là, Allah Azza wa Jalla est satisfait d'eux. Donc non seulement Allah tabaraka wa ta'ala est satisfait de sahaba, mais il est aussi satisfait de celui qui suit as-sahaba. Man yattabi'u as-salaf, man yattabi'u as-sahaba fi fahm an-nusus, fahm al-kitab wa as-sunnah. Celui qui comprend comme eux le kitab wa as-sunnah, Allah tabaraka wa ta'ala, il est satisfait de lui. Donc le fait qu'Allah Azza wa Jalla a fait les éloges d'eux, ce n'est pas pour rien. Comme l'a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam fil hadith, خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. Les meilleurs parmi les gens, ce sont ma génération, puis celle d'après, puis celle d'après. Il s'agit ici des as-sahaba wat-tabi'un wat-tabi'at-tabi'in, c'est-à-dire sahaba, ceux qui ont vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui ont cru en lui, hein, qui l'ont rencontré, qui sont morts sur cette croyance. Huwa as-sahabi. Ceux qui ont suivi après, ce sont ceux qui ont suivi le sahaba. Mais ils n'ont pas vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont vu les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont cru au prophète sallallahu alayhi wa sallam comme sahaba. Ils sont morts là-dessus, mais eux, ils n'ont pas vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce sont ceux qui sont encore juste après. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ici fait l'éloge d'eux. À partir du moment où Allah tabaraka wa ta'ala et son prophète sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam, ils font l'éloge d'une personne ou l'éloge d'une jama'a, d'un groupe, alors on se doit de les suivre. Ils deviennent, à partir de ce moment, ils deviennent des exemples. Et bien au contraire, si Allah tabaraka wa ta'ala et son prophète sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam ou sahaba radiallahu anhum, ils préviennent contre un groupe ou préviennent contre un danger, alors on doit faire tout notre possible pour ne pas être parmi ces gens-là. Ils deviennent des exemples à ne pas suivre dans ce cas-là. Mais ici, Allah Azza wa Jal a fait les éloges sur Sahaba, radiallahu anhum. Et c'est eux qu'il a choisi pour entourer le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Comme dans le hadith, où Allah tabaraka wa ta'ala a regardé dans les cœurs de l'humanité. Il a vu que le meilleur cœur de tous les cœurs, c'est le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, il a regardé dans les cœurs encore, il a vu que le meilleur des cœurs, c'est ceux, le cœur de Sahaba, radiallahu anhum. Bien sûr, avec d'autres textes, on sait que Sahaba ne valent pas les prophètes et les messagers. Mais les meilleurs compagnons de prophètes, ce sont les compagnons du prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Et à partir du moment où Allah Azza wa Jalla en a fait l'éloge, ainsi que son prophète, sallallahu alayhi wa sallam, on se doit de les suivre. وَأَمَرَ sallallahu alayhi wa sallam بِإِتِّبَعْ سُنَّتِهِ وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءَ الرَّشِدِينَ وَحَذَّرَ مِنْ مُخَالَفَتِهِمْ. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné de suivre sa sunna, la sunna des califes bien guidés. Et il a prévenu, il a averti contre tout ce qui va contredire as-sahaba. Hein? Tout ce qui va contredire as-sahaba. Wa lihada qala sallallahu alayhi wa sallam, alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa al-rashidin al-mahdiin min ba'di. Tamassaku biha wa addu alayha bin nawajid. وإياكم ومعدثات الأمور فإن كل معدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أخرجه أبو داود والترمذي وهو صحيح وكذلك ابن ماجه. Et le prophète صلى الله عليه وسلم a dit: عليكم بسنتي, soyez sur ma sunna et sur la sunna des califes bien guidés, الراشدين المهديين. Ici le Nabi صلى الله عليه وسلم ne s'est pas contenté de dire الراشدين, ou il ne s'est pas contenté de dire المهديين فقط. Non, الراشدين المهديين. Pourquoi? Parce qu'ici, si on regarde bien, il y a deux guidés. Sur Sahaba, il y a deux guidés. Ce qui leur permet de ne pas tomber, ils ont une guidée qui fait en sorte qu'ils ne tombent pas fi fitnati shahawat wala fi fitnati shubuhat. Yanna fitna fitnatan, fitnatu shahawat wa fitnatu shubuhat. Ces deux guidés-là, al-rashidin, al-mahdiyin, les deux c'est une guidée. Mais il y a une guidée qui leur permet de ne pas tomber dans tout ce qui est des tentations de shubuhat, al-shubuhat fi dinillahi azza wa jal, mathalan al-shirk والبدح والكفر والنفاق كم للشرك tout ce qui va toucher la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala, tout ce qui va toucher le domaine de l'aqida wal manhaj, tout ce qui va toucher la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala, comme le shirk ou le kufr, la mécréance, ou le nifaq, l'hypocrisie, والبدح, l'innovation, ils sont épargnés de ça. Ils sont épargnés de ça. Et ils ont l'autre guidée, Ar-Rashidin al-Mahdiyin, qui leur permet de ne pas tomber dans fitnatu al-Shahawat. C'est tout ce qui sont les péchés qui ne touchent pas l'aqida ou le manhaj, comme la fornication, l'adultère et autres et autres. Alaykum bi sunnati wa sunnati al-Khulafa Ar-Rashidin al-Mahdiyin min ba'di. Certains ont été dit, il y a deux sunnas différentes ici. Il y a la sunna du prophète sallam et il y a l'autre sunna, la sunna de sahaba. Hada laysa bisahih. Or ça c'est faux. Pourquoi? Parce que le Nabi sallam il dit juste après, tamassaku biha wa ma qala tamassaku bihima. Lakin qala tamassaku biha. Il a dit le prophète sallam, accrochez-vous à elle. Le elle ici il est au singulier, à cette sunna. Il n'a pas dit accrochez-vous à ces deux sunnas. Non, accrochez-vous à cette sunna. Tamassaku biha. Ici, c'est une seule sunna. Ça signifie que sunnatu rasoul sallallahu alayhi wa sallam hiya sunnatu sahaba radiallahu ta'ala anhum. C'est une seule sunna. Celle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est celle de sahaba. Donc, tamassaku biha, accrochez-vous fermement à elle. Wa addu alayha bin nawajidh. Et mordez-la, hein, prenez-la, tenez-la, avec quoi? Les molaires. Ça, c'est la preuve, comme ils ont dit les ulama, que le muscle le plus fort du corps, c'est la mâchoire. Pourquoi? Parce que le Nabi sallam, ici, il parle de sunna. Et là, il a employé la chose la plus forte pour tenir quelque chose, afin qu'elle ne t'échappe pas. Surtout par les temps d'aujourd'hui. Donc, si tu tiens quelque chose avec le devant des dents, on peut tirer facilement et te l'enlever. Alors que si tu le tiens avec les molaires et tu fermes ta bouche fermement, avec la force de la mâchoire, on ne peut pas te l'enlever facilement. C'est pour ça que le Nabi Sallam ici, il a tenu, là, il a parlé de la chose la plus forte, qui est de tenir sunna. Et qu'il fallait la tenir fermement. Pourquoi? Parce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il savait, par la grâce d'Allah tabaraka wa ta'ala, qu'il va arriver bien plus tard al-fitna, wal-muhdathat, wal-bidah, des choses nouvelles, que les musulmans allaient ramener des choses nouvelles, qu'ils allaient introduire dans l'islam, dans cette religion et parmi les rangs des musulmans. Et que cela allait contredire la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ici, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il donne السنة تمسكوا بها accrochez-vous bien fermement à celle-là. وسنة الخلفاء الراشدين الصحابة رضي الله تعالى عنهم. Pourquoi? Parce que la suite elle est dans le hadith. وإياكم ومحدثات الأمور. et prenez garde aux nouveautés. فَإِنَّ كُلَّ مُعْدَثَةٍ بِدَعْ Parce que toute nouveauté est une innovation. وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ Et que toute innovation mène à l'égarement. وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ Et tout égarement mène à l'enfer. C'est-à-dire que la nouveauté, en vérité, elle te ramène où ? فِي الْجَهَنَّمُ وَلِيَعْدُ بِاللَّهِ فِي النَّارِ المعدثات والبدح والبدع والضلال والضلال النار النبي صلى الله عليه وسلم a donné toutes les étapes. Quelqu'un il ramène quelque chose de nouveau dans l'islam que le prophète صلى الله عليه وسلم n'a jamais parlé, n'en a jamais parlé. C'est pour ça que l'imam Ahmed rahimahullah ta'ala, lorsqu'il était confronté au Mu'tazila qui voulait qu'il dise que le Coran a été créé, lorsque après le dernier khalif qui est arrivé, le dernier gouverneur qui est arrivé, il a fait une confrontation avec les deux. L'imam Ahmed lui a dit, j'ai une question à te poser, c'est tout. Je vais te poser une question. Si tu me dis que le Coran, il est créé, ou t'as un dalil min al-kitab wa sunnah. Tout simplement, t'as une preuve du Coran de la sunnah, un hadith, sahih. Ou bien, donc ça voudrait dire que le prophète Samil l'a su, et il en a parlé. Il en a parlé à Sahaba, qui en ont parlé jusqu'à ce que toi tu le saches. Donc tu as un texte. Ou bien, le prophète Sassam, il ne le savait pas ça. Ou bien il l'a gardé secret. Mais dans ce cas-là, comment ça se fait que toi tu le saches? Et là, le gouverneur, il a rigolé, il a libéré l'imam Ahmed. Parce qu'il a vu que l'autre, il n'a aucun argument là-dessus. Donc il y a une nouveauté, il y a quelque chose de nouveau qui est arrivé dans l'islam. En vérité, il ne change pas cette religion parce que cette religion, elle reste pure auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala. L'islam sahih, il est toujours là. Quelque chose de nouveau, avec des nouvelles règles. Quelqu'un est arrivé avec des nouvelles règles. Une nouvelle tendance, une nouvelle manière de penser, mais qui vient contredire le kitab wa sunnah, qui vient contredire le Coran et la sunnah. Cette nouveauté, il dit, et il est convaincu qu'il peut se rapprocher d'Allah avec cette nouveauté-là. Il a pensé à un moment que, tiens, on va faire da'wah de telle manière, on va prêcher l'islam de telle manière, parce que les temps ont changé. Alors on va le faire de telle manière. Tiens, on veut da'wah islamiyya, on veut un état islamique, bah tiens, on va le faire de telle manière. Kullu wahid, tout, chacun, il a ramené son fikr, sa manière de penser, sa manière de réfléchir, avec des nouvelles règles, des nouvelles qawa'id. Que l'on ne trouve ni dans le Coran ni dans la Sunna, qui ne font pas partie de la religion d'Allah. Et eux, ils pensent qu'ils se rapprochent d'Allah avec ces choses-là. Alors, ils en ont fait, de cette nouveauté, ils en ont fait une bid'a. Parce que la bid'a, c'est ça. C'est une croyance ou une parole ou un acte avec laquelle tu te rapproches d'Allah. Tu penses te rapprocher d'Allah. Mais toi, tu penses qu'on se rapproche d'Allah avec ça. Mais il n'y a aucune preuve, ni dans le Coran ni dans la Sunna. Quelque chose de nouveau qui n'existait pas au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de ses compagnons radiallahu ta'ala anhu. Wa yaqulu sallallahu alayhi wa sallam wa wassafa al-firqa an-najiya bi qawlihi sallallahu alayhi wa sallam ma ana alayhi al-yawm wa ashabi. Fadallat hadhihi an-nusus wa ghayruha ala wujub ittiba' al-kitab wa as-sunnah wujub ittiba' sabil al-mu'minin. يعني سبيل المؤمنين اتباع السلف. Le prophète صلى الله عليه وسلم lorsque les compagnons lui ont dit ما هي يا رسول الله c'est qui ce groupe sauvegardé, il a dit ما أنا عليه اليوم وأصحابي ceux qui sont sur ce que je suis moi aujourd'hui et mes compagnons. يعني على الكتاب والسنة. Mais à quelle compréhension ? À la compréhension du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et à la compréhension de ses compagnons radiallahu ta'ala anhum. Celui qui veut l'islam, il prend l'islam comme il est arrivé. Pourquoi est-ce qu'il prend l'islam comme il lui est parvenu aujourd'hui ou dans les années 30 ou 50 ou 60 ou en 2000 ou ce que tu veux. Prends l'islam comme il est arrivé. Prends l'islam des textes, minan nusus. Ne croyez pas que vous allez apprendre l'islam en regardant les gens. On n'apprend pas l'islam en regardant les gens. On apprend l'islam dans les textes. Fil nusus, fil kitab wa sunna. Lakin bifham salaf. Parce qu'eux, ils étaient là lorsque le wahy, la révélation, est descendue. C'est le prophète lui-même qui leur a expliqué les versets. Vous savez mieux que eux. Vous pensez réfléchir mieux que eux. Vous avez un fikr mieux que les sahaba, radiallahu ta'ala anhum. Vous pensez que vous pouvez faire da'wah mieux que sahaba. C'est pour ça que vous changez la manière de prêcher. Vous pensez que vous pouvez avoir da'wah islamia d'une autre manière que sahaba ils l'ont eu avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Là, c'est impossible. Donc tous ces textes viennent prouver, ainsi que d'autres textes, l'obligation de suivre le Coran et la Sunna. Mais l'obligation de suivre, pour pouvoir comprendre le Coran et la Sunna, de suivre As-Salaf al-Salih, radiallahu ta'ala anhum. Wa hum ashabu Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. طيب وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم عبد الله بن مسعود التي وكذلك عبد الله بن عباس رضي الله عنهم اجمعين suivez et n'innovez pas car cela vous suffit. Qu'est-ce qui vous suffit? Le kitab wa sunna. Le Coran, il vous suffit. La sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam authentique, elle vous suffit. Et eux-mêmes, ils savent. Abdullah ibn Mas'ud est un savant. C'est un compagnon, mais c'est un savant de son temps. Suivez, mais n'innovez pas. Ittabi'u wa la tabtadi'u. Suivez, mais n'innovez pas, car ils vous suffisent. Le Coran et la Sunna vous suffisent. Wa qala l'imam Ahmed, rahimallahu ta'ala, usul sunna indana at-tamassuk bima kana alayhi ashabu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa l'iqtidahu bihim wa tarak al-bidah. L'imam Ahmed, rahimallah, il a mentionné parmi les bases de la sunna pour nous, auprès de nous, yani al-sunna, le fait de s'accrocher fermement sur ce qu'étaient les compagnons du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que de se conformer à eux, et d'abandonner toute innovation, et d'abandonner les innovations. فالواجب على كل مسلم هو اتباع الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح. Donc l'obligation pour tout musulman, quel qu'il soit, homme ou femme, de suivre le Coran et la Sunna à la compréhension des pieux prédécesseurs, de ceux qui nous ont devancés dans la foi, qui nous ont devancés dans la science, qui nous ont devancés dans toutes choses, et qui deviennent des exemples pour tout musulman, qui sont les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Donc dans le Muqaddima, l'auteur ensuite, il va mentionner quelques points, tous les points qu'il a yani défini dans son livre, dans cette risala. Parmi les points que l'on trouve, al-maqsoud bis-sunnah. Qu'est-ce qu'on veut dire par sunnah? Ensuite, les différents noms de al-sunnati wal-jama'ah, les différents noms qu'on portait durant le temps, comme on l'a dit, puisque le temps a passé et les innovateurs à chaque fois prenaient le même nom que les gens de la sunna. Donc il mentionnera tous les noms en les expliquant, des gens de la sunna. Al-maqsoud bis-salaf, qu'est-ce qu'on veut entendre, qu'est-ce qu'on veut dire par salaf, hein? Man hum as-salaf? Wujub idhhar madhhab as-salaf, l'obligation de montrer al-manhaj as-salaf, la voie des prédécesseurs, la voie des anciens. Manhaj al-salaf al-aqida, quelle est la voie des pieux prédécesseurs, des anciens dans le domaine de l'aqida, de la croyance? Ma ma'na al-salafiyya, c'est quoi le sens al-salafiyya? Et d'autres chapitres comme Manhaj ahlul bid'a wal hawa, la voie des gens de l'innovation et des passions, le chemin qui mène à la sincérité et à la réussite, bil-ittiba' wa tarak al-ibtida', le fait de suivre et d'abandonner le fait d'innover, وبعض القواعد في المنهج السلفي comme certaines règles aussi du manhaj salafi que les gens doivent apprendre. C'est quoi ce manhaj? Il a des règles, comme tout a des règles. La prière, elle a des règles. Les ablutions, elles ont des règles. La aqida, elle a des fondements, l'usul. Il y a des règles dans la religion, donc on doit de respecter ces règles. C'est pareil dans le manhaj. Le manhaj, dans la manière de comprendre, il y a des choses, il y a des règles qui te permettent de t'irriguer convenablement dans la manière de comprendre. Comme les salaf, ils ont compris. Le fahm. C'est facile de dire, il faut comprendre comme les salaf, ils ont compris. Mais qu'est-ce que tu as comme repère pour comprendre comme eux? Donc il y a des repères, il y a des règles. Donc, alhamdoulilah, le cheikh ici les a mentionnées, quelques-unes, comme qa'idatun fil amri bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar, la règle dans le fait d'ordonner le bien, interdire le blâmable. Qa'idatun fil ibadat, une règle qui dans les adorations, etc., etc., et d'autres encore. Tayyib. Son premier chapitre, c'est Al-Maqsoud bis-Sunnah. Qu'est-ce que l'on veut dire par As-Sunnah? Parmi les noms de Al-Sunnati wal-Jama'a, comme on a dit, on trouve Ahlul Athar, Ahlul Hadith, Ahlul Hadith wal-Athar, As-Salafiyyun et d'autres. As-Sunnah, fil-Lugha, hiya at-Tariqatu wa-Sira. As-Sira. La sunna dans la langue arabe, ça signifie le chemin que tu vas suivre, ou bien as-sira. Mais les savants ont divergé. En ce qui concerne at-tariqa, comme on a dit dans la langue arabe, at-tariqa, as-sunna, at-tariqa. Lorsqu'on dit as-sunna, c'est at-tariqa, fil-lugha, dans la langue arabe. Est-ce que c'est n'importe quel tariqa, c'est-à-dire n'importe quel chemin, même si un chemin il est mauvais, on va appeler ça sunna, ou bien c'est seulement ce qui est bon? Ça a divergé chez les savants. Certains ils ont mentionné sunna bima'na tariqa. Sunna c'est tariqa, c'est le chemin que tu veux. C'est un chemin, qu'il soit bon ou mauvais, on appelle ça sunna, qu'il soit bon ou mauvais. D'autres ils ont dit non, ça concerne que ce qui est bien. Si c'est dans le mal, ce chemin, c'est un chemin du mal, on n'appelle plus ça sunnah. والصحيح أن المراد بها في اللغة الطريقة الحسنة والقبيحة. C'est les deux. La vie le plus sûr, c'est que sunnah, quand tu vas dire sunnah, يعني الطريقة, ça va être aussi bien le bon chemin que le mauvais chemin. Pourquoi? Parce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a mentionné dans le hadith, celui qui fait une sunna fil islam, sunnatan hasana, wa sunnatan sayya. Les deux, il les a appelés sunna. Sunnatul hasana, wa sunnatul sayya. On voit bien qu'ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il les a appelés les deux sunna. Qu'elle soit une bonne tradition ou une mauvaise tradition, les deux, il les a appelés comment? Sunna. Même pour le mal, il a appelé ça sunna. Mais ici, il ne s'agit pas de la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il s'agit de at-tariqa, un chemin que quelqu'un y prend. Pourquoi? Parce que ce hadith, c'est lorsque le Nabi sallallahu alayhi wa sallam l'a mentionné, celui qui fait une tradition dans l'islam, il fait quelque chose dans l'islam, sunnatan hasana, une bonne tradition. Il a la récompense de ce qu'il a fait, plus la récompense de tous ceux qui l'ont suivi dans ce qu'il a fait. Quant à celui qui fait sunnatan sayya, une mauvaise sunna, une mauvaise tradition, il en prendra le péché et le péché de tous ceux qui l'ont suivi là-dedans. Et le péché de tous ceux qui l'ont suivi là-dedans. Et on voit bien qu'ici, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, que ce soit al-hasana ou sayya, il a appelé ça sunna. Donc c'est bien la preuve que dans la langue arabe, as-sunna yani at-tariqa, qu'elle soit bonne ou mauvaise, cette tariqa. Al-hasana ou sayya, hiya sunna. Mais on ne dit pas que c'est sunnatu al-rasul. On parle de l'ura dans la langue. L'ura al-arabiya, dans la langue arabe, le mot sunna at-tariqa. Qu'il soit bon ce chemin ou qu'il ne soit pas bon. Maintenant, fil istilah, عند المحدثين pour les savants du hadith وكذلك عند الفقهاء ainsi que les savants du fiqh c'est هي ما أثر ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة السنة chez les savants dans le hadith dans le fiqh et autres il s'agit de tout ce qui a été défini chez le prophète comme parole, tout ce qui a été approuvé chez le prophète, tout ce qu'il a dit, tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a laissé faire. Un prophète, lorsqu'il voit quelque chose et il dit rien, c'est que c'est bon. Parce qu'un prophète, il n'a pas le droit de se taire devant un munkar ou devant quelque chose de blâmable ou haram. Il n'a pas le droit de se taire. Jamais un prophète ne laisse quelque chose de mauvais passer devant, sans dire quoi que ce soit. Jamais. S'il ne dit rien, c'est que c'est bon. Et c'est que c'est approuvé. Certains vont dire, oui, mais le prophète, il ne connaît pas tout. Ou le Nabi, il ne voit pas tout ce qui se passe. Dans ce cas-là, c'est Allah, tabaraka wa ta'ala, qui l'informe. Dans ce cas-là, c'est Allah, azza wa jal, qui va l'informer, qui informe son prophète sur telle chose ou telle chose ou telle chose. Tayyib. Maintenant, le sunna, fi istilah al-fuqaha, dans la science des al-fuqaha, dans le fiqh, on dit aussi hadi sunna. Sunna pour dire que ce n'est pas wajib. Il faut bien comprendre tous les sens, tous les ma'nan, tout le ma'na, tous les sens qu'on trouve dans le sunna. Quelquefois, on dit aussi hadi sunna. Par exemple, le fait de lever les mains en disant Allahu Akbar lors de la prière, sunna. تكبيرة الإحرام باللسان واجب ومن أركان الصلاة c'est parmi les piliers de la prière le fait de dire الله أكبر de la bouche par sa bouche par sa langue mais de lever les mains سنة بالمعنى مستحب pour dire que c'est pas واجب الفقهاء pour dire que c'est pas obligatoire ils disent هذه سنة c'est سنة طيب وإذا نقول فلان على السنة أو فلان على البدعة. Si on dit de quelqu'un, il est à la sunna, ça signifie que il est conforme au Coran à la sunna. وعلى الكتاب والسنة هو على السنة يعني على الكتاب والسنة. Quand on dit de quelqu'un, il est فلان على البدعة. Quelqu'un il est sur l'innovation. يخالف الكتاب والسنة. Il contredit le Coran et la sunna. Pourquoi ? Parce que ici le mot sunna dans ce cas-là il signifie l'islam. Comme il a dit l'imam Barbahari rahimahullah ta'ala, l'islam, cette religion, c'est la sunna. Wa as-sunna hiya l'islam. Il a dit l'imam Barbahari rahimahullah ta'ala, l'islam c'est la sunna et la sunna c'est l'islam. Fahimtum ? Tayyib. Comme l'a mentionné Charles Ibn Taymiyyah rahmallah, il a mentionné al-lafz bis-sunnah, as-sunnah, le fait de dire sunnah, fi kalam as-salaf, dans les paroles des pieux prédécesseurs, yani as-sunnah fi al-ibadat wa fi al-i'tiqadat ila akhiri. C'est la sunnah, c'est-à-dire la sunnah dans tout, dans les adorations, dans la croyance et autres. ويقول رحم الله تعالى شيخ الإسلام تيمية رحم الله السنة هي ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتقادا واقتصادا وقولا وعملا السنة il a dit c'est ce qu'était sur ce qu'était le prophète صلى الله عليه وسلم dans tout ce qui est la croyance la parole les actes et autres. طيب وابن رجب رحمه الله تعالى il a mentionné السنة هي الطريق. La sunna, c'est ce chemin par lequel on doit s'accrocher. At-tamassuk, le fait de s'accrocher. Bima kana alayhi an-nabiyu sallallahu alayhi wa sallam wa khulafahu ar-rashidun min al-i'tiqadat wal-a'mal wal-aqwal. La sunna, comme l'a dit Ibn Rajab rahimahullah ta'ala, c'est ce chemin que l'on doit suivre, sur lequel on doit s'accrocher. C'est le fait de s'accrocher sur ce qu'était le prophète, ainsi que ses califes bien guidés dans la croyance, ainsi que les paroles, les actions et les paroles. Hadi sunna. Là, on vient de mentionner, c'est quoi ? La sunna. Taïb. Maintenant, ce qui concerne Tesmiyat, le fait, ces différents noms que Al-Sunna se sont donnés. Quand on dit Ahlu Shay, comme مثلاً Ahlu Bidah, ou مثلاً Ahlu Shirk, ou مثلاً Ahlu Sunna, hein, quand on dit les gens de la Sunna, les gens de l'innovation, les gens du Shirk, Ahlu Shay, les gens de quelque chose, hum akhassu an-nas bihi. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ces gens-là sont spécifiques, ceux avec quoi on les raccorde. Ahl sunnah. Quand on dit Ahl sunnah, on vient de décrire ces gens-là par une seule sifa qui est As-Sunnah. Quand on dit les gens de la sunnah, ça veut dire pour nous, c'est des gens, tout ce qu'ils font, tout ce qu'ils disent, tout ce qu'ils croient, c'est à la sunnah. Ahl shay, ce qu'on utilise après Ahl, hein, les gens de. Ce qu'on va utiliser juste après, ça les décrit, ces gens-là. Ça décrit ce groupe. Si on dit Ahl sunna, ça veut dire que ces gens-là, ils sont à la sunna du Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Ou al-khulafa al-rashidin. Si on dit Ahl al-kitab, hum, al-yahoud wa al-nasara, indom kitab, al-injil, wa al-tawra. Les gens du livre. Pourquoi est-ce qu'ils ont reçu un livre? Al-injil wa al-tawra. Si on dit Ahl al-shirk, هم المشركون أهل الكفر هم الكفار إلى آخره. فمعنى أهل السنة أخص الناس بها. Quand on dit أهل السنة, ça veut dire que ces gens-là, ce qui les distingue des autres, c'est qu'ils sont à la sunna. C'est ça qui les distingue des autres personnes, c'est qu'ils sont à la sunna. وأكثرهم يتمسكون بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم اتباعا لها وقولا وعملا واعتقادا. Si on dit أهل السنة, cela signifie que les gens de أهل السنة, quand on dit أهل السنة, on est en train de désigner des gens dont la majorité de ces gens-là s'accrochent fermement à la sunna du prophète صلى الله عليه وسلم, dans le suivi, dans la parole, dans les actions et dans l'irtiqad, la croyance. Maqala Cheikh Salah al-Uthaymin rahimahullah ta'ala, Mohamed ibn Salah al-Uthaymin rahimahullah ta'ala, ittiba' al-salaf aqidatan manhajan wa mu'amalatan wa akhlaqan. Suivre al-salaf, il a dit, c'est les suivre dans la croyance, l'aqida, dans le manhaj, yani bil fahm, بفهم السلف, dans la compréhension. Mu'amalatan, dans les actions, dans les relations entre les gens. Il faut que tu sois comme salaf ils étaient entre eux. Wa akhlaqan, et même dans les comportements, tu dois être comme un salaf salih. Ne crois pas que le manhaj salaf, le manhaj salaf salih, c'est seulement l'aqida ou le manhaj. À la kulihal, si ta aqida est bonne et ton manhaj est bon, il va découler de tout ça l'akhlaq et l'adab, les bons comportements. C'est ça qui doit être soigné. Celui qui apprend l'ilm shar'i, il apprend l'ilm pour tasfiya wa tarbiya. Il enlève ce qui est mauvais en lui, il remplace par ce qui est bon. Aussi bien dans l'aqida que dans le manhaj, dans le fahm. Avant il comprenait comme ça, maintenant il a compris qu'il faut comprendre comme le salaf, comme ça. Avant, il croyait à ça, il a compris que ça, ça ne fait pas partie de l'aqidah sahiha. Alors, il enlève et il croit comme aqidah tout salaf. Avant, il se comportait comme ça, ou il parlait de telle manière, il s'est corrigé. Il est revenu à salaf. Il a appris que salaf, il ne parlait pas comme ça. Ils n'insultaient pas les gens, par exemple. Ils avaient de bons comportements. Avant, il faisait telle chose ou telle chose, il a abandonné ça parce qu'il a appris que le salaf ne faisait pas comme ça. Que les sahaba et ceux qui les ont suivis ne se sont jamais comportés de telle manière. Aqidatan, manhajan, wa mu'amalatan, wa akhlaqan, ittiba' al-salaf, salaf al-umma, radiallahu ta'ala anhu. Donc il faut les suivre dans tout. Dans toute chose. Même dans l'akhlaq et l'adab, dans les bons comportements. Et on se doit de se soigner. Et si tu regardes bien, Ahlul Bida', la seule chose qu'ils trouvent à dire sur les salafiyyin, c'est quoi? L'akhlaq ou l'adab. Ils n'ont pas de comportement. Toujours ils sont énervés, toujours ils sont fâchés, toujours ceci, cela, cela, kada, kada, kada. Mais ilmiyyan, qu'est-ce qu'ils ont trouvé à dire? Rien. Pourquoi? السلفي هو يتكلم بالدليل ويعتقد بالدليل عقيدته مبنية على الكتاب والسنة ومنهجه مبني على الكتاب والسنة. Tout ce qu'il dit, tout ce qu'il pense, tout ce qu'il croit, c'est في الكتاب والسنة. بفهم السلف الأمة. Alors le fait de dire oui, mais ils ont pas bon comportement, etc., etc. أولا, c'est pas tout le monde qui a un mauvais comportement parmi les gens de la Sunna. Alhamdulillah, il y a des gens de la Sunna, hein. Et la majorité des gens de la sunna, ils se comportent d'une bonne manière. Walillah alhamd. Deuxièmement, ce n'est pas en regardant les gens qu'on apprend à savoir c'est quoi la sunna. La sunna, elle est dans le kitab ou la sunna. Elle est dans les livres, dans les textes. C'est comme ça que tu vas apprendre c'est quoi la sunna. Et non pas en regardant les gens. Il se peut que quelqu'un qui est salafi, il commet un péché. Est-ce qu'on va remettre en cause le manhaj salafi, manhaj salafi et salafia, parce qu'il a fait lui? Non. On regarde fin nusus, on regarde dans les textes. Ce qu'il a fait, ça contredit les textes. Ce qu'il a fait, ça ne fait pas partie de la sunna. Et ça s'arrête là. Mais de dire que le sunna, ce n'est pas ces gens-là parce qu'ils s'énervent ou ils se fâchent ou ceci ou cela ou ça. Là. Je fais le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, son comportement c'était le Coran. Est-ce qu'on va remettre toute la sunna en cause à cause de quelques personnes qui font telle chose ou telle chose ou telle chose? C'est pour ça que Cheikh Al-Uthaymeen, rahimahullah ta'ala, il donnait un très bon conseil aux convertis. C'est lorsque vous rentrez dans l'islam, n'apprenez pas l'islam par le comportement des musulmans, mais apprenez l'islam dans les textes, dans le Coran et la sunna, à la compréhension des salaf et avec la parole des savants. Pourquoi? Parce qu'on trouve des musulmans qui font telle erreur ou tel péché ou telle faute, et l'autre, il croit que c'est ça l'islam. Donc on n'apprend pas l'islam en regardant les gens. Le manhaj, on n'apprend pas en regardant les gens non plus. Le manhaj, on l'apprend fil nusus, fil kitab ou as-sunna. Donc on ne peut pas remettre en cause ce manhaj à cause de certains comportements que les gens ont eus. طيب. Et ensuite, c'est là que plusieurs noms sont arrivés. Au temps du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, on n'entendait pas Ahlus Sunnati wal Jama'a. C'est bien après, lorsque les innovateurs sont arrivés vers la troisième génération, ils ont commencé. Hein, où là, vraiment, la troisième génération, c'est là qu'il y a eu, c'est sorti le plus. Mu'dathati wal bid'ah, c'est là où beaucoup d'innovations sont arrivées en bloc et en force durant la troisième génération. Malgré qu'il y avait aussi déjà le Khawarij lors de la deuxième génération, parmi les Sahaba radiallahu anhum. Hein, lorsque les sahaba étaient là, ils étaient là. Mais c'est seulement après que, c'est à partir de la troisième, où là, ça s'est carrément, hein, c'est sorti de pratiquement partout et de beaucoup d'endroits dans le monde musulman. Et c'est là que beaucoup de ulama, beaucoup de savants ont commencé à écrire des livres dans l'aqidah, hein, comme l'imam Ahmed rahimallah, qui écrit son livre As-Sunnah, hein, comme l'imam Barbahari rahimallah, qui écrit son livre Sharh As-Sunnah, comme Cheikh al-Islam Taymiyyah rahimallah, qui écrit l'aqidah al-wasitiyya, hein, al-tahawi al-tahawiyya, et d'autres livres parmi les grands savants qui ont écrit beaucoup de livres, surtout des livres des anciens, hein, comme il l'a mentionné Cheikh Suhaimi, hafizallahu ta'ala, les livres d'avant, on ne trouve pas un livre d'aujourd'hui qui équivaut à un livre d'avant. On ne trouve pas un livre aujourd'hui qui équivaut à un livre, la richesse qu'il y avait, la baraka qu'il y avait dans les livres d'avant. Hein. Pourquoi ce qu'il y avait dans les livres d'avant, c'était, il y avait, c'est sorti, les ulama, ils ont écrit tous ces livres-là, parce que là, le bid'ah, elle commençait à émerger grandement dans la communauté musulmane. Et c'est bien pour ça que les ulama d'aujourd'hui prennent des ulama d'avant. Hein. On entend Cheikh Ben Baz, rahimallahu ta'ala, ou kadhalik Cheikh Al-Albani, ou Cheikh Al-Uthaymin, ou Cheikh Salah Al-Fawzan, ou Cheikh Mouqbil, ou ghayruhum, al-kibar, citer ceux qui étaient avant, comme Cheikh Al-Islam Taymiyyah, ou Mohamed Abdel Wahhab, rahmatullah alayhim, ou l'imam Ahmed, ou Abu Hanifa, ou Malik, ou Shafi'i, et là, tous les savants que l'on connaît de Ahl-Sunnah durant tous ces temps qui se sont écoulés. Donc au début, ils se sont appelés Ahl-Sunnati wal-Jama'a. Ensuite, il y a aussi Al-Firqatun Najiyah, conformément à ce hadith, hein, du prophète sallallahu alayhi wa sallam, où il y a plusieurs riwayats, où il y a eu plusieurs noms, comme Al-Taifatul Mansoura, le groupe sauvegardé, ou bien le groupe, la partie victorieuse, Mansoura, ala Ahlil Bida' wa Ahlil Batil, wa Ahlil Hawa. Ils sont sauvegardés de l'innovation, mais en plus ils sont victorieux. Firqatun Najiyah wa Taifatun Mansoura. Ils sont victorieux. Pourquoi? Parce que les gens de l'Bida' ne les atteignent pas. Ils ne les atteignent pas. Wa Ahlul Hadith wa Al-Athar. Ça aussi c'est Ahl Sunnah, les gens du Hadith, hein, qui sont accrochés au Hadith. Wa Al-Athar, Athar Salaf, sur les traces des pieux prédécesseurs. Wa kadhalik fi hadha az-zaman as-salafiyyun. Et aujourd'hui, as-salafiyyun. Et subhanallah, aujourd'hui, on trouve encore les gens d'Ahl al-Bida' qui disent nahnu as-salafiyyun. Ce nom-là, il n'a été mis que pour faire tamyiz bayna Ahl al-Haq wa Ahl al-Batil. Comme c'était à l'époque Ahl al-Sunnah wa Ahl al-Hadith et tous les noms qu'on vient de citer. À chaque fois, c'était pour pourquoi? Pour différencier les gens du bien des gens du mal, par rapport à la sunna et à la bid'ah. C'est pour ça que les ulama, ils ont dit, tant que Ahlul Bid'ah, ils existent, alors le terme salafi, salafiyya, il existera. Comme à l'époque. Tant que Ahlul Bid'ah, ils existaient, il y avait le nom, al-tasmiya, Ahl sunnati wal jama'a. Ahl sunnati wal jama'a. Quant à ceux qui veulent faire croire, comme certains, qui veulent faire croire que les ulama d'Ahl Sunnah, comme Cheikh Ben Baz, ou Cheikh Ibn al-Uthaymin, ou Cheikh Salah al-Fawzan, ou Cheikh Abdel Aziz al-Sheikh, et d'autres savants, on essaie de nous faire croire, rahmatullah alayhim jami'an, كذلك, même s'il est vivant, rahimallah, al-Rahma. On essaie de nous faire croire que ces gens-là, que ces ulama-là, ils disent, il ne faut pas dire salafi, ou il ne faut pas dire as-salafiyya. Et il ramène des audios. Et Cheikh Ibn al-Uthaymin, sur cet avis-là, il est revenu. Cheikh Rabih lui a fait une nasiha sur ce sujet, il est revenu sur cet avis-là. Et celui qui veut la phrase, malgré qu'il y a d'autres audios encore, il écoute Sharh al-Aqid al-Wasitiyya de Cheikh al-Uthaymin, où il explique bien, clairement et nettement, que celui qui dit que Ahl al-Sunnati wal Jama'a c'est al-Qadariya ou kada ou kada ou kada. Certains ils veulent faire croire qu'Ahl al-Sunnah c'est tout cela, c'est tout le monde. Il dit cela n'est pas correct. Ahl al-Sunnati wal Jama'a, il dit les gens de la Sunna et du groupe al-Jama'a. Ensuite il dit que celui qui est sur ce qu'était le prophète sallallahu alayhi wa sallam wa ashabi annahu salafi. Annahu salafi. Vous n'avez qu'à regarder dans l'aqidah, Sharh al-Aqidah al-Wasitiyya de Cheikh al-Uthaymin. Et dans d'autres audios, il le dit aussi. Et il est revenu sur ce point-là. Wallillahi alhamd. Quant à Cheikh Abdelaziz Ben Baz, Rahimallah, ou Cheikh Saleh Al-Fawzan, puisque ces gens-là, ils se défendent avec les paroles de ces savants-là. Ils jouent. Yalab. Ils jouent avec les gens. Hein, c'est comme un écran de fumée. On essaye de plus savoir où est-ce que tu es. Tous, ils ont déjà nommé As-Salafia ou Salafi. Par contre, si tu le dis, en disant que As-Salafia, c'est un hizb, min al-ahzab, un hizb comme un autre, يعني السلفيون c'est comme l'Ikhwan, l'Ikhwan muslimin, c'est comme Jama'at Tablir, c'est comme l'Ahbaj, c'est comme... Khata. Ça, c'est faux. Si tu le dis comme ça, alors t'as pas le droit de dire ça. Mais si tu le dis, les tamyiz bayna ahli al-haq wa ahli al-batil, ahli al-bidah, si tu le dis pour différencier les gens de al-sunnah et les gens de al-bidah, dans ce cas-là, c'est permis. Dans ce cas-là, c'est permis. Cheikh Ben Baz, il le dit. وَشِرَ صَالَ عَلْفَوْزَنْ كَذَلِكَ Où il mentionne bien السَّلَفِيَّ هِيَ حِزْبُ اللَّهِ السَّلَفِيَّ هِيَ حِزْبُ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَأَهْلُ الْبِدَاءِ حِزْبُ الشَّيْطَانِ Il dit que tout ce qui contredit السَّلَفِيَّ قَالَ حِزْبُ الشَّيْطَانِ لأن السَّلَفِيَّ هُمْ السلفيون هم أهل السنة والجماعة هم أهل الحديث والأثار وهم فرقة ناجية والطائفة المنصورة والسنة هي الإسلام وهي إسلام الإسلام السنة à partir du moment où ces gens-là sont sur le Coran et la Sunna à la compréhension des Sahaba ils ne peuvent être que dans la vérité ça c'est le parti d'Allah tabaraka wa ta'ala quant à tout ce qui vient contredire cette Sunna qui vient contredire les Sahaba هذا حزب الشيطان لأن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والله جل وعلا هو يدعو إلى الجنة والشيطان هو يدعو إلى النار parce que الله عز وجل invite au paradis il appelle au paradis il appelle les croyants à rentrer au paradis par tel chemin ou tel chemin alors que le diable lui il appelle à l'enfer et il invite à l'enfer. Donc, il ne faut pas se laisser envoûter, entre parenthèses, ou se laisser tromper, duper par les paroles de ces gens-là qui veulent se faire passer pour Al-Sunnah, pour Salafiyoun, jusqu'à ce qu'ils disent, tu n'as pas le droit de dire Salafi. Tu dis, tu suis le Kitab et le Sunnah, bifahm Salaf. Mais il ne faut pas dire Salafi. Mais non, Salafi. Oui, tu as le Kitab et le Sunnah, bifahm Salaf. Subhanallah. Et en jouant avec les paroles des savants. En vérité, ces gens-là, ils ont une tariqa bien précise. Ils ont un chemin bien précis et bien défini. Seulement, il faut tromper les gens. Et ils trompent les gens avec ce genre de paroles. Et en ramenant quelques paroles des savants, et ils jouent avec ces paroles des savants. Et cela n'est pas permis. Si tu dis ce que dit le shir, dis tout ce qu'il dit. Pourquoi tu dis une partie et tu caches l'autre partie? Subhanallah. C'est ça le manhaj? السلفي لا غير كاشي منهجه واضح quelqu'un qui est à la sunna il n'a rien à cacher il cache rien la sunna c'est ça dans ça c'est comme ça dans là c'est comme ça ici c'est comme ça voilà c'est ça la sunna il est pas en train de jouer avec aqwal ulama ou kada ou en train de jouer avec les hadith ou de cacher des choses et de montrer d'autres choses ou là non en vérité ils ont un chemin bien précis mais pour pas se dévoiler on prend l'habit de la salafiyya, on s'habille. Quand je dis l'habit, je ne parle pas du khamis ou quoi que ce soit. Hein? On fait croire aux gens qu'on est salafi, on fait croire aux gens qu'on est à la manhaj salaf. Il suffit juste de regarder leur da'wa, ils ne sont pas à la manhaj salaf. Tayyib. Et c'est pour ça que al-Jahmiya, l'ahlul bid'ah plutôt, les gens de l'innovation, si on regarde bien dans le temps, l'ulama de Ahl Sunna, comme l'imam Ahmed et autres, ils ont donné des noms à des jama'at, à des groupes. Ils leur ont donné les noms, quelquefois, de leurs fondateurs. Quelquefois, par rapport à leurs croyances. Et on leur a donné ces noms-là, afin de les différencier. Pourquoi ? Parce que Ahlul Bida aussi, ils sont différents, et ils sont plusieurs. Lorsque le prophète a mentionné le hadith, il a dit, ma communauté va se diviser en 73, 72 vont au feu, et une seule au paradis. Donc on voit bien que les gens de l'innovation aussi, ils sont plusieurs. Il y a plusieurs groupes. Et c'est pour ça que les ulama, ils ont donné plusieurs noms. Comme à l'époque, Al-Khawarij. Pourquoi Al-Khawarij ? Al-Khuruj. Laisse Al-Khuruj, min jama'at al-tabli, Al-Khuruj ala al-Hakim. Al-Khuruj ala al-Hakim. Et les ulama qalou, Al-Khawarij. Ils sortent, Al-Khuruj, ils sortent. Pas Al-Khuruj de jama'at al-tabli. Mais le khuruj sur le hakim, que ce soit ce khuruj là ou l'autre khuruj, là il s'amène à la sunna. Le khuruj à le hakim, c'est une fitna, ou là il s'amène à la sunna. Ou le khuruj de la da'wa à la tariqa de la jama'at de tabli'a, là il s'amène à la sunna. La da'wa bil ilm, à la basira, à la kitabi wa sunna, ou awalan bit tawhidillahi azza wa jal. Bit tawhidillahi tabaraka wa ta'ala. Que ce soit ce khuruj là ou l'autre, les deux font pas partie de la sunna. Comme par exemple l'Ash'ariya, c'est la aqida la plus répandue. On les a appelés comme ça, pourquoi ? À cause de Abu al-Hassan al-Ash'ari. Mais, rahimallahu ta'ala, walillah al-hamd, il s'est repenti avant sa mort. Et il a écrit des ouvrages pour corriger les erreurs qu'il avait, notamment fil asma wa sifat. Et il a écrit des livres là-dessus. Mais les gens ont continué à suivre ce qu'il avait donné. Mais lui, alhamdulillah, taba ila Allah azza wa jal. Et on trouve beaucoup de savants comme ça qui, alhamdulillah, qui se sont repentis. On trouve des savants, pas beaucoup, mais qui se sont repentis de ce sur quoi ils étaient. Comme al-Ghazali, lorsqu'il a voulu contredire les gens de l'al-falsafa, de la philosophie, et après il est tombé dedans. Mais on dit, alhamdulillah, qu'il est mort avec le Sahih al-Bukhari ala sadrihi, sur sa poitrine. Mata ala Sahih al-Bukhari ala sadrihi. Yani, al-ruju' ala sunnah. Comme quoi il est revenu sur la sunnah du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et il a écrit aussi des ouvrages, avant sa mort, il a écrit des ouvrages pour rectifier les erreurs qu'il avait faites. Ou Al-Qadariya. Al-Qadariya, pourquoi ? Parce qu'il parlait sur Al-Qadar. Al-Qadariya. Ou Al-Soufiya. Pourquoi Al-Soufiya ? Parce qu'ils portaient, on les repérait, on les remarquait, parce qu'ils portaient des vêtements de laine. Al-Soufiya. Donc on voit bien que les noms ont divergé selon, alhamdulillah, al-sunnah, ils ont eu plusieurs noms au fur et à mesure que les temps sont passés. Et on voit bien que ahlul bid'ah, eux, ils ont eu des noms bien précis par rapport à leur croyance ou par rapport à quelquefois à leur fondateur. Par rapport à leur fondateur. Wallahu ta'ala a'lam. وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين بارك الله لي ولكم